serais pérenne. Rien que par un regard ma part, j'aurais voulu que tu sois à côté de moi quand ça allait pas, que j'en avais marre. 1987 c'était pas la bonne année, mais enfin j'espère que tu es fier là où tu es. J'ai fait pleurer ta fille maintes et maintes fois, pourtant c'est si facile lui dire je t'aime et de la prendre dans mes bras. Tu t'es occupé de moi, tout le temps s'oriente même dans la maladie. Je m'en étais pas rendu compte, c'est maman qui me l'a dit. Sage stylo est le prolongement de mon cœur. Je t'en supplie, pardonne-moi pour mes erreurs quand les mots deviennent des larmes et le silence. Je t'emmène, mais le bonheur n'est pas le même quand t'es loin de ceux que t'aimes. C'est ton petit fils qui t'écrit ce poème, même sous le soleil, mamie. Dans mon cœur, c'est la poème. Je t'aime, ça fait un bout de temps que j'ai perdu ton odeur et tes yeux. Quelles en étaient leurs couleurs? Ma douleur a vu le jour en ce mois d'automne, pendant que de futures grand-mères naissaient, la mienne disparaissait. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est, mais qui trop tôt nous ont quittés pour eux. Ce morceau est dédié, paroles du fond du cœur sous forme de poème. Même les jours de soleil, dans mon cœur, c'est la poème. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est. Et si ça sort du cœur, c'est que les sentiments sont vrais. Des paroles en guise de larmes et des silences en guise de cris. Dis-le en guise d'armes pour cicatriser le mal, j'écris. La façon que t'avais de me tenir entre tes bras, j'ai beau avoir grandi, mais y'a des choses qu'on n'oublie pas. T'as entendu mes premiers mots, t'as vu mes premiers pas. Mais aujourd'hui encore, je marche toujours pas droit. 2 ans après ton départ, y'a eu la naissance d'Avicen, puis de 2 petits bonhommes qui se nomment Yacine et Jawel. Si les meilleurs partent en premier, est-ce que nous sommes les pires à rester? Je sais que tu m'aurais interdit de le penser. Tu m'as tellement appris, impossible que j'oublie ton absence insulte. Si les meilleurs partent en premier, est-ce que nous sommes les pires à rester? Je sais que tu m'aurais interdit de le penser. Une femme forte, sacrifiant ta vie pour les nôtres. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est, mais qui trop tôt nous ont quittés pour eux. Ce morceau est dédié. Je me souviens du soir où nos vies ont pris un autre tournant. Maman m'a serré fort comme si j'étais devenu son pansement. L'argent ne pourra jamais être remplacé. Je parle de sentiments que trop de gens ont tendance à oublier, mamie. Tu m'as appris des valeurs essentielles à la vie. Le respect, rester humble, l'ouverture d'esprit. Toutes ces choses qui se renferment dans mon corps en guise de rempart, je les dévoile dans un rap en guise d'exutoire. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est, mais qui trop tôt nous ont quittés pour eux. Ce morceau est dédié, paroles du fond du cœur sous forme de poème. Même les jours de soleil, dans mon cœur c'est la poème. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est. Et si ça sort du cœur, c'est que les sentiments sont vrais. Des paroles en guise de larmes et des silences en guise de cris. Dis-le en guise d'armes pour cicatriser le mal, j'écris. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est, mais qui trop tôt nous ont quittés pour eux. Ce morceau est dédié, paroles du fond du cœur sous forme de poème. Même les jours de soleil, dans mon cœur c'est la poème. Dédié aux femmes et aux hommes forts qui ont fait ce qu'on est. Et si ça sort du cœur, c'est que les sentiments sont vrais. Des paroles en guise de larmes et des silences en guise de cris. Dis-le en guise d'armes pour cicatriser le mal, j'écris.